Je suis vraiment content ce matin pour la première fois. On pense souvent à Mark Griffin, mais on va parler avec son acolyte Alain Huzeau de RDS, mais on va lui parler de la toute fin de baseball, mais on va lui parler dans un premier temps parce qu'il sera à la description du tournoi des cœurs. On sait qu'on a Mélina Perron de Dolbeau-Missisni qui est là-bas à Colombie-Britannique. Salut Alain! Salut Danny. Alain, je suis vraiment content de t'avoir. Je pense souvent à ton acolyte, Mark Griffin, mais là, d'avoir l'autre, c'est toujours plus fun. C'est toujours le fun aussi. Ça me fait plaisir. Alain, d'abord, si, tournoi des cœurs, nous, on écoute, je vais être bien honnête avec toi, curling, c'est pas mon sport favori. Par contre, ce que les filles ont fait, c'est extraordinaire. Là. C'est du jamais vu. Une équipe junior qui va représenter le Québec. À quoi tu t'attends? Écoute, honnêtement, je ne sais pas, puis il y a plusieurs raisons pour ça. Ceux qui gravitent dans le milieu du curling au Québec, je te dirais pas qu'ils étaient pas surpris, mais ce que je me suis fait dire, c'est faites bien attention. Ah oui? À peu près ça. Faut bien comprendre que si tu prends l'ensemble du Québec, la région du Lac-Saint-Jean, c'est une des régions où le curling est le plus fort. Hein? OK. Faut bien le comprendre. Puis, on m'a dit beaucoup de bien de cette équipe-là. Et cette année, je te dirais que c'est plus ouvert qu'à l'habitude parce qu'il y a de gros noms qui manquent. Ah, OK. Mitchell Omen n'est pas là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as des grosses équipes de l'Ontario qui n'y sont pas. L'équipe qui va être là, bon, il y a des noms qui sont connus, mais c'est évidemment, Mitchell Omen n'étant pas là, ça a ouvert la porte, mais on n'a pas... Alexandre Flaxé, par exemple, ou encore Julie Tippen, qui ont fait partie du processus de qualification olympique. Les deux ne sont pas là, n'ont pas remporté leur championnat provincial. Point d'interrogation à cet endroit. À la Saskatchewan, tu te retrouves avec Sherry Anderson. Sherry Anderson accompagnée de trois jeunes. Mais Sherry Anderson pourrait jouer dans les maîtres des 50 ans et plus, là. OK, OK. Tu te retrouves aussi avec le nord de l'Ontario. Au cours des dernières années, c'est Krista McCarville. Et McCarville, honnêtement, aurait pu être considérée comme championne. Elle n'a pas réussi à passer son championnat provincial. Puis tu regardes le reste, Jennifer Jones va être, écoute, favorite par une tête, là. OK. T'as Casey Schindiger en Alberta. Peu importe l'équipe qui sort de l'Alberta, généralement, tu vas avoir une bonne représentation. L'équipe Canada... L'équipe qui a gagné l'année passée, c'est Rachel Omen. OK. Donc, on a pas eu le choix. On a dû se rabattre sur les finalistes. Et je sais pas si tu as regardé la Coupe continentale, mais ce que Michel Englert a fait au cours de ce tournoi-là nous laisse pas voir qu'elle va être de retour, non seulement en finale, mais parmi le top 4. Donc, tu disais à ce moment-là, la porte est ouverte pour une autre équipe. Logiquement, il y a peut-être trois équipes qui vont se détacher. Tu as le Manitoba, t'as l'Alberta de Casey Schindiger. Et l'autre équipe, c'est une inconnue parce que ce soir, on est vendredi, là, ce soir, il y a un match de qualification parce qu'il y a un nouveau format cette année. Okay. Et pour déterminer la 16e équipe, ben, il y a un match éliminatoire carrément entre Chelsea Carey et Kelly Anderson. Et il y a de très bonnes chances que l'équipe qui va gagner ce match-là va se retrouver dans le top 4. Là, j'ai te nommé trois équipes. Mm. Qui sera la quatrième équipe? Ben là, regarde, je te dis... ça va être une boîte à surprise, ce tournoi-là, j'ai l'impression, cette saison. Est-ce que c'est un changement de garde, ou c'est de... parce qu'ici, au Québec, on a Marie-France Larouche, qui a été, j'y ai parlé cette semaine, est allée 7 fois des tournois des cœurs, elle a perdu la demi-finale contre l'équipe de Mélina. Là, ce que tu es en train de me conter, c'est que dans plusieurs provinces, c'est pas l'équipe favorite qui a remporté. Est-ce qu'on assiste à un changement de garde? Et est-ce que les autres équipes, c'est des forces, ou c'est vraiment, là, Écoute, il y a des équipes qu'on a vues depuis, qu'on voit depuis longtemps. Regarde, le nom de l'Ontario, je t'ai parlé de McCarville, mais c'est Tracy Fleury qui va être là. Et Tracy Fleury est là depuis longtemps. Elle n'a jamais eu beaucoup de succès. Pour Terre-Neuve-Labrador, c'est Stacy Curtis, qu'on a connu sous Stacy Devereaux. Elle a connu du succès au niveau junior. Ça s'est jamais traduit par des succès sur le plan national. Du côté du Nouveau-Brunswick, Sylvie Robichaud est de retour. Elle a fusionné son équipe avec celle qui était là l'année passée, Melissa Adams. Bon, on a pris le meilleur des deux équipes. Qu'est-ce que ça va donner sur la glace? Mystère, la Colombie-Britannique, c'est la première fois que les trois sœurs Vanoche vont jouer ensemble. Elles ont connu, elles aussi, un certain succès sur le plan junior. C'est pas une garantie que parce que t'as un succès sur le plan junior que ça va marcher sur le plan national. Tu sais, Nouvelle-Écosse, Territoire du Nord-Ouest, ce sont toutes des équipes qu'on a vues souvent au cours du tournoi sans vraiment avoir de succès. Je dirais une équipe qui risque peut-être de causer une surprise, ce sont les territoires du Nord-Ouest avec Eric Galusha qui a toujours été très mal appuyé. Là, cette année, elle aura Sarah Colton qui a fait tourner des têtes lors des tournois juniors au cours des 10 dernières années. Elle va être mieux appuyée cette année. Est-ce que ça va être suffisant? Je le sais pas. Est-ce que c'est un changement de garde? Écoute, t'es dans une année olympique. Ouais. Généralement, il y a beaucoup de changements au sein des équipes qui sont annoncés immédiatement là après la fin de la saison de curling. Pourquoi? Parce qu'on embarque dans un nouveau cycle olympique. Est-ce que c'est la dernière année de Jennifer Jones? Regarde, elle a deux jeunes enfants. Elle a gagné à peu près tout ce qui était possible de gagner. On verra. C'est une des seules équipes. La seule chose, c'est que c'est une des seules équipes qui peut être se targuer d'être vraiment professionnelle, parce qu'il y en a très peu là, qui peuvent gagner leur vie en se faisant. Jennifer Jones est avocate de formation aussi. T'sais, oui, il y a des joueurs et des joueuses cette année qu'on pourrait voir pour la dernière fois. Je reviens à l'équipe de Mélina, Alain. Écoute, j'ai parlé, j'ai rejoint en Colombie-Britannique hier l'entraîneur et il me disait que les glaces sont pas tout à fait pareilles, les pierres sont pas tout à fait pareilles que lors des tournois ici au Québec. Est-ce que ça peut être une période d'apprentissage quand même? Il faut pas trop que ça soit long, là. Non, faut que ça se passe assez vite, je te dirais, là, de façon... je veux pas trouver d'excuses à l'équipe du Québec, mais souvent, les équipes qui ne sont pas habituées à jouer sur des glaces comme celle-là, les équipes qui sont en dehors du circuit, si tu veux, canadien, là, bon, le Québec ne joue pas dans ce circuit-là, comme par exemple toutes les équipes de l'Est, là, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-Labrador, là, chez les femmes, évidemment, parce que du côté des hommes, Grad Gauchou, lui, se promène. Je te parlais d'équipe professionnelle, c'en est une, donc lui, il n'y a pas de problème avec ça. Mais oui, il y a une adaptation à faire. C'est pour ça que, traditionnellement, souvent, ces équipes-là vont mieux performer vers la fin du tournoi, parce que c'est là qu'on commence à mieux s'adapter. Les pierres courbent plus, on n'a pas la même vitesse, ça c'est sûr, ça demande une adaptation. Il s'agit de savoir comment on va réussir à s'adapter. Je sais pas j'imagine qu'on a eu une bonne qualité de glace lors du championnat provincial, quand même. Mais regarde, je te disais là, les filles vont être confrontées à ça. Ce ne sera pas la seule équipe qui le sera. Donc, regarde, ce qu'on souhaite, c'est que ça se fasse le plus rapidement possible. Comment ça marche là pour les néophytes comme moi là, parce que moi, curling, Alain, là, je vais parler de baseball, je suis très à l'aise. Parler de football, très à l'aise. Hockey, très à l'aise. Mais curling, pas du tout. Donc, comment ça marche le tournoi pour les néophytes là de qualification Le tournoi, il y a 16 équipes. Ok. Bon, c'est-à-dire chacune des provinces et territoires, il faut bien le mentionner, sont représentées. Il y a deux équipes pour l'Ontario, ça c'est historique, là. Ontario, le nord de l'Ontario. Il y a une équipe Canada qui généralement est l'équipe qui a remporté le tournoi l'année précédente. Ouais. Cette année, on ne peut pas mettre cette équipe-là puisque c'est Rachel Holman qui va représenter le Canada aux Jeux olympiques et a décidé de... On peut comprendre, là, le tournoi se termine dimanche et trois jours après, on commence le tournoi... Le tournoi à Pyeongchang. Et il y a une 16e équipe, comme je le mentionnais un peu plus tôt, qui va être déterminée par un match éliminatoire direct là, okay, entre les deux équipes les mieux classées selon le système canadien. Okay. On pourrait discuter un peu de la formule. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Qu'on prenne ces deux équipes-là, oui, mais moi, j'aurais pris ces deux équipes-là parmi les équipes qui ont perdu le championnat provincial en finale. Okay, tu comprends? Et ni Chelsea Carey, ni Kelly Anderson ne s'est rendu en finale de sa province. Donc moi, j'aurais pris un petit peu le système qu'on prend au tennis, par exemple, le système du lucky loser là, des qualifications. C'est-à-dire qu'il faut que tu atteignes au moins le troisième tour des qualifications pour espérer prendre la place de quelqu'un qui déclare forfait à la dernière minute. Okay. Donc c'est un peu comme ça. Il y a 16 équipes, puis on divise les deux, on divise par deux groupes de 8. Et ces 8 équipes-là, dans chacun des groupes, vont s'affronter. Et au terme de ces 7 matchs-là, on va prendre les 4 meilleures équipes de chacun des groupes. Et là, on va jumeler ces 8 équipes-là dans une section qu'on appelle maintenant, on va l'appeler la ronde de championnat. Et les équipes qui n'ont pas affronté les 4 équipes de l'autre section vont s'affronter. Autrement dit, tu vas finir le tournoi, tu vas affronter les huit meilleures, les sept meilleures équipes de ton groupe. L'élite, là. Je sais pas si je suis clair là-dessus. Ouais. Et au terme de la ronde de championnat, ben, on conserve les quatre meilleures équipes avec le système page qu'on connaît depuis plusieurs années. OK. Dis-moi, l'équipe du Québec de Ménina, c'est une équipe junior. Tu n'entends parler, toi, t'as des couvertures de presse, t'as des notes de presse, parce que TSN doit t'envoyer sûrement des notes, tu dois fouiller un peu Curling Québec à travers le Canada. Est-ce que, comment qu'on a perçu ça, que c'est une équipe junior qui va représenter le Québec? De ce que tu as entendu dire à travers les branches? C'est pas une première. C'est pas une première, ok. Je pensais que c'était la première. C'est-à-dire, moi, je suis allé au championnat canadien junior en Shawinigan, je suis allé faire un petit tour, puis j'ai jasé un peu avec tout le monde. Ce qui est un peu particulier, et même beaucoup, c'est que cette équipe-là du Québec qui est dans junior n'a pas remporté son championnat provincial. Ben oui. C'est ça. Il y a quelques années à peine, au Manitoba, il y a l'équipe de Matt Dunstone qui avait remporté le titre junior canadien et s'était rendu en finale du championnat provincial manitobain. OK. Qui est un des championnats provinciaux les plus relevés. Là. Manitoba et Alberta, là, ce sont probablement les deux les plus relevés. Sauf que Dunstone savait qu'il ne pouvait pas se qualifier pour le Brier parce que le championnat du monde où il allait était en même temps. Donc, Mike McEwen se trouvait, lui, gagne ou perd, qualifié directement pour la finale. Bon. Mais quelqu'un qui perd son championnat junior et va remporter le championnat provincial, c'est extrêmement rare. Et ce qu'on m'a dit, c'est que c'est arrivé probablement au milieu des années 2000 avec au Nouveau-Brunswick, Andrea Kelly, qui est devenue Andrea Crawford par la suite. Elle avait perdu, elle a gagné des championnats juniors par la suite là avec le Nouveau-Brunswick, mais elle avait perdu le championnat provincial junior avant de remporter la qualification pour le scandale. OK. Mais penses-tu que ça peut être un avantage? Est-ce que il pourrait être regardé de haut par les autres équipes? Non, je penserais pas. Je veux dire, tu peux pas t'amener sur des glaces comme ça parce que il y a plusieurs raisons et une des particularités du curling, contrairement à d'autres sports, c'est que même si votre calibre de jeu sur papier, je dis bien sur papier, et je ne vise pas le Québec, je parle de n'importe qui, je peux parler du Nunavut qui va avoir une équipe et qui figure sûrement pas parmi les préférés. D'ailleurs, on leur souhaite au moins une victoire. Là, t'sais, okay. Je peux te dire la même chose probablement avec le Yukon. C'est parce que quand tu joues au curling, puis même toi, Danny, puis moi, on se retrouve sur le bloc de départ là, avec une pierre dans les mains. Même si on n'a jamais joué, on a une chance de faire un coup. Okay. Alors qu'au baseball, par exemple, je te défie de te présenter avec un bâton dans les mains contre une rapide à 100 000 à l'heure de Roger Clemens puis d'essayer de toucher à la balle. Ouais, c'est sûr. Tu comprends? Donc, au curling, il y a cette particularité-là où, tu sais, t'es capable de faire quelque chose avec une pierre, puis bon, ces filles-là ont toutes joué depuis fort longtemps. Donc, il y a toujours un potentiel que tu trébuches à un moment donné. OK. Donc. Tu sais, contre des équipes qui. Fait que t'as pas nécessairement le luxe de regarder les autres équipes de haut. Puis le curling, c'est un peu comme le golf, c'est-à-dire quand tu fais ton coup, il n'y a personne qui t'empêche de le faire. Il n'y a personne qui va te donner un double échec dans le dos pendant que tu vas faire ton coup. Là. OK. Donc, comment ça va marcher pour la diffusion? Je sais qu'il y a 66 heures de TSN. Il y a beaucoup de monde qui me pose la question, Alain, est-ce qu'on va pouvoir voir les matchs du Québec et de Mélina Perron? Vous êtes tributaire de TSN, c'est-à-dire, donc, est-ce que quand même, ça va être possible de voir? Est-ce que tu sais si on va au moins voir une couple de matchs de Mélina et de l'équipe? Écoute, je n'ai pas l'horaire devant moi. Bon, ce soir, évidemment, il y a seulement un match, mais ce serait très étonnant qu'on ne voit pas le Québec à un moment donné, là, parce que, bon, TSN a le mandat, là, je te dirais pas de présenter tout le monde, parce que ça va être impossible avec le format qu'on a avec 16 équipes, mais d'après moi, ça va dépendre, évidemment, aussi du départ que le Québec aura. Là. Ouais. Le Québec se retrouve avec un dossier de 0-3 très tôt. Ça se peut que l'intérêt soit moindre. Mais je peux te dire la même chose de n'importe quelle province aussi, là. Tu comprends? Donc, il y a une question d'intérêt. Moi, mon petit doigt me dit qu'il y a des bonnes chances qu'on voit le Québec éventuellement. Quand, écoute, c'est bien malin, là. Je sais que les horaires sont, habituellement, sont déjà décidés pour les premières et deuxièmes journées de compétition. Bien malin, là, je te dirais, là, pour qui pourra déterminer quand est-ce qu'on va voir cette équipe-là, mais moi, mon petit doigt me dit qu'il y a des bonnes chances qu'on les voit éventuellement. Okay. Mais qui, quelles équipes, ça, je ne sais pas. Donc, ça commence ce soir, je pense que c'est à 21h30 que j'ai vu. 21h30 ce soir, ouais. Et le tournoi vraiment avec les 16 équipes, là, la première séance, là, c'est demain. À compter de 17h, okay. Parce qu'on est en Colombie-Britannique. Ça commence toujours le samedi après-midi, généralement. On est en Colombie-Britannique, donc c'est à 17h demain. Il y a deux séances là, qui seront présentées. Alain, en terminant, Vladimir, toi, ça te choque-tu, toi, qui se présente pas avec la casquette des Expos? Moi, je pense que quelque part, on devrait tout simplement y aller de quelque chose de neutre, parce que c'est rare qu'un joueur fait une carrière dans une équipe. Je sais pas comment tu vois ça, toi. Ben c'est rare. Ça arrive encore, mais tu as raison que les joueurs se promènent bon pas mal depuis qu'ils ont ils ont acquis l'autonomie. Et c'est correct, là, je remets pas ça en question. C'est tu regardes Andrew McCutchen, c'est le visage des Pirates de Pittsburgh, et bon, mais il sera toujours identifié aux Pirates de Pittsburgh. Mets-toi dans la peau de Vladimir Guerrero, et je l'ai entendu là de la part de Philippe Quentin, pas le nommer. Je veux dire, mets-toi à sa place et mettre la casquette d'une équipe qui n'existe pas. Puis, disons-le, les Angels vont probablement l'honorer à grands frais. Il n'y a personne des Angels encore qui a été au temple de la renommée. Puis, je pense pas que c'est une claque au visage des Expos de Montréal. Les Expos lui ont donné sa chance, en fait. Les Dodgers, faut se rappeler, n'en voulaient même pas. Mm. C'est son frère que les Dodgers voulaient, là. Ouais. Wilton Guerrero. Bon, ouais. Wilton, dont le fait saillant de sa carrière, c'était de se faire prendre avec du liège dans son bâton. Mais dans le cas de Vladimir, c'est sûr qu'il a commencé à Montréal, il a joué plus de temps à Montréal, etc., etc. Regarde, ça s'en enlève absolument rien que le mot Montréal va être collé à sa carrière d'une façon importante dans le cas de Vladimir Guerrero. Là, t'sais. Donc, ouais. À partir de ce moment-là, ça peut être frustrant, mais ça n'empêche pas qu'il va être associé quand même aux Expos et à Montréal d'une façon ou d'une autre. Mais comme je dis, mets-toi à sa place et ce gars-là va être honoré. Là. Donc, moi, écoute, ce aurait été plaisant qu'il y ait une autre casquette des Expos. Mais regarde, on en a déjà trois. Des gens qui vont aller à Cooperstown, qui vont être là. Il va y avoir du monde de Montréal qui vont être là. Ah ouais, c'est clair. Pas mal sûr que Vladimir va ne fera pas un détour pour les éviter. Là. Non. Alain, gros merci. On va peut-être avoir l'occasion de se reparler. C'est beau, Danny. Ça m'a fait plaisir. Alain Usereau de RDS, qui sera la description du tournoi des cœurs qui débute ce soir sur les ondes de RDS.